Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, pour se soigner, pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible, évidemment. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme et éviter l'esprit de panique. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Pensez, printemps. Nous sommes en guerre. Évitez l'esprit de panique. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Avec de la discipline. Nous sommes en guerre. Toute infraction sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. L'argent ne se mange pas. Nous sommes en guerre, oui. Je vous demande de ne céder à aucune panique, ni au désordre. Nous gagnerons. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Hissons-nous à la hauteur du moment.